Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant de Jocelyn Gagné. Jocelyn Gagné qui va prendre sa retraite comme enseignant de l'école secondaire des Chutes. Donc hier, on l'a parlé sur les ondes de danadiosport.com. Et Jocelyn Gagné s'est dit prêt pour la retraite. J'ai pincé mon cœur le mois passé parce qu'il a fallu que je démissionne de la commission scolaire. OK. Avoir une démission, c'est normal pour te faire remplacer. Ça m'a pris tellement de temps à avoir un contrat. Maintenant, je démissionne. J'ai dit, c'est pas croyable, on est déjà rendu là. C'est Gagnon, dans un deuxième temps, mentionne que les étudiants ont beaucoup changé au cours des dernières années. On dialogue plus, selon l'enseignant qui était longtemps à la commission scolaire Pays des Bleuets. Observé chez les jeunes. Je pense que on est rendu une société, là. Ben, probablement, on est rendu une société qui se parle plus en plus avec les textos, les téléphones. Ouais. On est rendu une société qui est vraiment... Tout est facile. Mm. C'est recul dans notre temps. Tout est un petit peu plus jeune que moi, mais... Tu sais, c'était des garçons de fermiers, ça travaillait sur la terre. Les jeunes travaillaient en ville, s'impliquaient dans la maison. Sortaient les poubelles. Aujourd'hui, je pense que les jeunes sortent même plus les poubelles. Un exemple. Mm. Au niveau physique, ça travaille de moins en moins. Mm. Après ça, le sport, c'était valorisé. Il y avait une équipe de sport, de hockey, dans toutes les municipalités. Moi, je restais à Sainte-Marguerite-Marie. Ouais. On avait une équipe, puis oui, ben, en même temps, midget. Aujourd'hui, oublie ça. Tu fais une équipe. Tu veux faire une équipe à Delbault-Mississippi, puis environ. Puis, t'en veux plus jouer dehors beaucoup. On dirait que ça. Mais ça va revenir. Ça va revenir. Le balancier va revenir. J'en suis convaincu. L'activité physique, le sport est peut-être. Saint-Gagné me mentionne qu'il n'y a pas vraiment de souvenirs. De précis concernant sa carrière comme enseignant à l'école secondaire des Chutes. On ne peut pas dire, c'est de rentrer le matin à l'école presque tout le temps en sifflant. Okay. Être heureux, entonné. C'est des souvenirs mémorables. Avoir des confrères, des consoeurs de travail exceptionnels, dîner avec des tables, puis parler des Canadiens, puis en espérant qu'on va avoir une équipe, un groupe qui va être bonne. Ça, c'est des souvenirs mémorables. Avoir une belle école, une école qui est. Parlons toujours des élèves de l'école secondaire des Chutes. Ils feront ils ont décidé de relever tout un défi, hein, soit de courir la distance entre Delbault-Mississigny et Montréal, soit une distance de 1000 km dans le cadre du défi Pierre Lavoie. Les activités vont débuter vendredi après-midi par une grande kermesse où tous les étudiants et les enseignants se réuniront pour courir 1 km. Chaque étudiant va courir un minimum de 20 km et ils pourront se reposer entre les courses dans un dortoir. L'activité devrait durer 24 heures. Puisqu'il est question du Grand Défi Pierre Lavoie, il y a 10 écoles qui vont participer à la course du Grand Défi qui auront lieu en fin de semaine. Donc, dans le secteur, on retrouve des élèves de la polyvalente Jean Delbault et de la polyvalente 80 de Saint-Félicien. Et le club de golf de Delbault-Mississigny annonce que la grande corvée sera présentée vendredi 11 mai. Donc, on invite les membres et non-membres d'amener leur râteau pour cette traditionnelle corvée. Je vous invite à écouter la section entrevue de danadiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec l'école, avec l'enseignant à la retraite, Jocelyn Gagné. Le sport local et régional à danadiosport.com. On s'en occupe.